Transfert. Bonjour tout le monde, merci de vous réveiller avec les premières lueurs du jour en ce lundi 8 juin. Cette semaine, dans un autre jour est possible, je vous propose, en compagnie du sinologue Renaud de Spintz, une nouvelle série sur la Chine d'aujourd'hui à travers la littérature, le cinéma, la musique et les spectacles vivants d'aujourd'hui. La culture pop n'existe pas dans la Chine pop, nous prévient notre tête chercheuse de la semaine. Dans un instant, les premiers éléments d'explication. Et en deuxième partie, un autre spécialiste de la culture chinoise contemporaine, Jean-Marc Ducrot, prolongera notre exploration de la nouvelle génération d'artistes chinois. Un autre jour est possible, c'est tous les jours à 6h ou quand vous voulez en passant par le podcast disponible sur franceculture.fr. Émission préparée avec Sarah Lazès et Henri Leblanc, réalisée par Somanina avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédéric. Bonjour Renaud de Spintz. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci d'être venu, merci de nous accompagner toute cette semaine pour nous parler de la culture pop en Chine qui n'existe pas, on va en parler dans un instant, mais tout d'abord je vous présente Renaud de Spintz, vous êtes écrivain, vous vivez en Chine, à Pékin pour être très précis depuis 10 ans, et vous êtes l'auteur du dictionnaire impertinent de la Chine édité par Books. Renaud de Spintz, avant de commencer notre série, qu'est-ce qui vous a attiré dans la culture chinoise? Pourquoi avez-vous choisi de vivre en Chine? Mon premier accès à la culture chinoise, ça a été l'écriture et la langue. Je suis fasciné par les écritures différentes, par les idéogrammes, par ces manières en fait d'écrire du sens et en même temps d'avoir deux lectures différentes. Quand on lit un idéogramme, par exemple, on peut à la fois avoir une émotion avec de la calligraphie, par exemple, ou déconstruire un caractère. C'est un petit peu comme l'étymologie chez nous, sauf que là, c'est plus visuel. On se rend compte que, tiens, dans le caractère de famille, il y a un cochon, par exemple, sous le toit d'une maison. Et puis aussi, le lire, on peut le lire comme on lit un livre ou un texte occidental. Donc cette dualité de lecture m'a passionné. Et puis c'est une langue très difficile, et donc c'est très excitant. Donc un défi. Voilà, un défi. Aussi, quand on va en Chine, on a l'impression d'une deuxième naissance, parce que c'est tellement loin, c'est tellement compliqué qu'on ne comprend rien. Donc ça peut perturber, mais moi j'ai trouvé ça exaltant. C'est comme si on avait la chance d'avoir une deuxième vie, et tout à réapprendre. Et c'est aussi un hasard, puisque en terminale, il y avait dans mon lycée, lycée Fénelon à Paris, il y avait un professeur de chinois. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup à Paris, il n'y en avait que 2 ou 3. Aujourd'hui, il y en a vraiment pratiquement partout. Hein. Et il me fallait une option au bac. S'il y avait eu un professeur d'arabe ou d'hébreu, j'aurais pris l'arabe ou l'hébreu. Hein. Là, il y avait un professeur de chinois. Donc, j'ai commencé le chinois parce que ça m'était offert comme ça dans mon lycée. Puis, je suis tombé amoureux de la langue assez rapidement. La culture pop chinoise n'existe pas. Pourquoi ? Elle n'existe pas, cette culture pop. Alors, c'est un petit peu une boutade, mais en Chine, tout est populaire. Déjà, c'est la République populaire de Chine. Parce que théoriquement, si vous parlez de la République de Chine, encore que les indépendantistes taïwanais ne vont pas être d'accord, c'est Taïwan, la République de Chine. La République populaire de Chine, c'est la Chine. L'armée chinoise, on ne dit pas l'armée chinoise, on dit l'armée populaire de libération. La Banque nationale, c'est aussi la Banque nationale populaire. L'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale populaire. Donc, populaire est mis à toutes les sauces. C'est la nature du régime. Et donc, c'est intéressant de constater que, en fait, ce régime populaire, il a vraiment du mal à produire de la culture populaire. Pourquoi ? Parce que probablement, nous, ce qu'on entend par populaire, c'est quelque chose qui vient du bas. Or, un régime qui se prétend avoir absorbé toute la légitimité populaire, ensuite ne diffuse que par le haut. Donc c'est difficile d'avoir une culture populaire. En réalité, c'est une culture sous le totalitarisme. C'était complètement une culture d'État. Aujourd'hui, le totalitarisme est démantelé. Il n'empêche que vous avez encore un rayonnement de la culture d'État qui est extrêmement important, d'une part. C'est ce qu'on appelle la propagande. Les Chinois eux-mêmes emploient le mot. Hein. C'est pas forcément péjoratif en Chine. Et puis, vous avez aussi la censure qui, elle, au contraire, empêche la culture qui vient du bas de s'élever et de s'épanouir complètement. Alors là, ensuite, on est confronté aussi à la richesse du terme et de la façon dont on l'emploie. Qu'est-ce que veut dire populaire? Si on parle de personnes connues, par exemple, de chanteurs connus, bien entendu, il y en a. Mais ce qui va être amusant aussi, en décrivant tous les phénomènes culturels en Chine, c'est de voir que souvent, pas toujours, parce qu'il y a quelques phénomènes qui se rapprochent de la culture populaire en Occident. Mais souvent, dès que un chanteur ou un phénomène va être trop connu, puisqu'en général, il est imposé par le haut, très rapidement, il va aussi avoir l'image de la ringardise. C'est-à-dire que ça va être le chanteur qu'on voit tout le temps à la télévision, parce que justement, c'est un chanteur de l'armée, qu'il est... Donc ce sont des artistes officiels, quoi. Vous avez en Chine, les artistes sont officiels, vous avez un salaire. Vous êtes écrivain en Chine, vous n'avez pas besoin d'écrire des livres, vous avez besoin pour être reconnu au début, pour rentrer dans l'association des écrivains. Ensuite, vous avez un salaire et une retraite. Pareil pour tous les grands corps artistiques. Alors évidemment, vous avez des gens qui sont en dehors du système. Et pour ceux qui font des œuvres intéressantes, se passe constamment aussi le dilemme. Voilà, je commence à être un peu connu. On m'a proposé une place à l'Union des écrivains, l'Association des écrivains, un ramassis de fonctionnaires. J'y vais ou j'y vais pas. Alors évidemment, ça donne un statut, ça donne des avantages, une retraite, parfois une maison, etc. Et en même temps, quand on essaye d'être artiste, c'est aussi en général parce qu'on essaye d'exprimer des choses librement. Et ça va un petit peu à l'encontre. Alors comment les artistes, pour prendre un exemple, comment les peintres évoluent dans la Chine d'aujourd'hui? Il existe un marché de l'art en Chine aujourd'hui. Oui, alors les peintres, c'est un bon exemple d'industrie ou de production culturelle qui n'est pratiquement pas populaire. Là, la dichotomie est très très forte, bien que ce soit parfois les mêmes groupes qui le font. Vous avez un art d'État. Parfois, d'ailleurs, qui produit des très belles choses. Comme vous savez, la propagande permet aussi à de très bons artistes d'exprimer leur œuvre, bon, d'une façon un peu corsetée, certes. Et à côté de ça, les grosses stars de l'art pictural chinois ou des arts en général chinois, ce sont des gens qui sont en dehors du système, qui en général sont extrêmement connus en Occident. Alors, si on prend, par exemple, un artiste qui est à la fois extrêmement connu en Occident et qui avait, avant qu'il aille en prison aussi, beaucoup d'audience en Chine, c'est évidemment Ai Weiwei, oui. Hein, qui est bien connu chez nous puisqu'il a eu son exposition au Jeu de Paume, il a eu des expositions un petit peu partout dans le monde. Donc ça, c'est deuxième, on va dire, catégorie d'artistes, c'est ces catégories qui sont extrêmement connues à l'étranger en raison aussi de leur liberté de ton. Face au pouvoir chinois, vous avez évidemment aussi, ils sont très connus, les frères Cao, par exemple, qui ont fait ces œuvres célèbres, qui sont des statues du président de Mao, par exemple, en train de s'agenouiller comme s'il demandait pardon aux victimes de son totalitarisme et de la révolution culturelle. Donc vous imaginez que ce genre d'œuvre, en Occident, ça fait un tabac, mais en Chine, ça ne peut pas être montré à la télévision ni nulle part. Et cet art subversif, est-ce qu'il est chinois ou est-ce que ce sont des artistes chinois qui sont plutôt connectés à ce qui se fait ailleurs dans le monde et qui s'inscrivent plutôt dans une démarche universelle ? Alors, vous avez un peu les deux, mais sociologiquement, enfin, quand on va les rencontrer, ces artistes chinois, il est quand même assez frappant de constater que beaucoup d'entre eux, par exemple, ne parlent pas anglais, ont eu peu de voyages à l'étranger. Alors, pas tous, mais il y en a quelques-uns très connus qui, bien entendu, ont bénéficié de l'ouverture sur le monde de la Chine à partir des années 80 et donc ont reçu de l'influence étrangère en général, ils vont toujours citer des artistes étrangers ou des écrivains étrangers qui les ont influencés. Parce que il y a une génération d'artistes nés avec une culture Internet, c'est-à-dire avec une ouverture de ce qui se fait dans le monde. Oui, et même ceux-là, en fait, ces générations d'artistes, elles existent depuis... depuis vraiment la fin des années 70 et le début des années 80. C'est-à-dire que dès que le couvercle du totalitarisme a été soulevé, on a eu un maelstrom de création. Donc, avant l'arrivée d'Internet. Et est-ce qu'on peut parler d'un marché de l'art en Chine ? Ça, c'est un phénomène qui est extrêmement prégnant depuis plusieurs années. Non seulement on peut parler d'un marché de l'art en Chine, mais encore, il faut dire que le marché de l'art international aujourd'hui est un marché en valeur à majorité chinoise. Donc il y a à peu près 60% des transactions sur marché de l'art mondial qui se font sur de l'art chinois. Comment se fait-il ? Alors, il y a deux choses. Une certaine maturité dans les créations contemporaines chinoises, premièrement. Des œuvres qui plaisent. Alors c'est vrai qu'il y a eu aussi un effet de mode, c'est-à-dire que on connaissait pas l'art contemporain chinois quand certains galliéristes ou certains investisseurs en art occidentaux sont arrivés en Chine dans les années 80-90. Ils ont découvert des artistes qui coûtaient vraiment rien. Donc il y a eu aussi cet effet là, hein, cet effet de découverte. Ensuite, vous avez aussi le développement interne du marché chinois, c'est-à-dire qu'avec les introductions de règles de marché, avec aussi la quand même par rapport au totalitarisme précédent une certaine libéralisation de l'esprit et de la culture, vous avez plein d'artistes chinois, par exemple des années 40-50, qui ont été redécouverts. Et un marché de l'art qui est né, alors on va peut-être en parler aussi tout à l'heure, également pour des raisons de financement et de corruption, etc. Mais bon, on a eu toute une bulle artistique aussi sur les œuvres chinoises, y compris les antiquités. Et puis, la troisième raison, c'est que, comme vous le savez aujourd'hui, et pour l'instant en tout cas, ces dernières années, la Chine est un pays dans lequel il y a d'immenses capitaux. Alors, à la fois, évidemment, vous avez des collectionneurs sincères qui ont fait fortune et qui ont de l'argent et qui veulent s'acheter des œuvres d'art. Et puis, vous avez, bien entendu, de la spéculation pure et simple également. Pour ne pas parler de mafia. C'est pas des mafias, mais par exemple, si vous avez fait un faux, alors déjà, votre faux, il faut qu'il soit extrêmement bien. Donc, vous l'avez fait avec un artiste de renom, de toute façon, hein, pour faire votre faux en calligraphie. Ensuite, pour que votre faux ait de la valeur, parce que quand même, les Chinois savent bien qu'ils le font, qu'ils font des faux, il va falloir que vous le mettiez au frais pendant quelques années, pour vous le ressortiez, et puis que vous allez convoquer des journalistes ou des spécialistes. Et le but, ça va être que votre faux paraissent dans un catalogue. Dès qu'il paraît dans un catalogue, une rétrospective ou un livre, par exemple, sur tel ou tel calligraphe, là, c'est bon, il faut que vous soyez patient. Et alors ensuite, vous le mettez en salle des ventes. Et en général, c'est comme ça que ça se passe. Bien entendu, vous pouvez blanchir de l'argent avec l'art contemporain de façon extrêmement facile, puisque vous créez des valeurs qui n'existent pas. Donc ensuite, vous pouvez prétendre que vous avez gagné de l'argent, de la vente de quelque chose qui va être soit un faux, soit quelque chose fait à la va-vite. Alors, ça, vous l'avez surtout dans le domaine du blanchiment de la corruption. Parce que en Chine, il faut savoir que malgré les luttes annuelles contre la corruption, c'est un pays dans lequel la plupart des gros projets qui impliquent, on va dire, l'État, et ils impliquent toujours plus ou moins l'État, parce que l'État est encore très présent, qui implique les fonctionnaires locaux. Par exemple, si vous voulez construire un grand centre commercial urbain, vous allez avoir besoin d'énormément de coups de tampon, de plein de fonctionnaires différents. Et en général, si vous voulez, je ne parle pas de l'aspect moral de la chose, mais si vous voulez que votre projet aboutisse dans délais raisonnables, vous êtes pratiquement obligé de graisser plus ou moins la patte. Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Alors, ça se faisait surtout il y a quelques années. Vous demandez à un artiste, un de vos amis, qui monte, de faire des œuvres et vous les offrez. Donc comme ça, la corruption est blanchie, c'est-à-dire ça se voit pas. Ça va être dans les collections personnelles de ces fonctionnaires qui vont les revendre uniquement quelques années plus tard. Merci Renaud de Spence. On se retrouve demain pour parler de la Chine d'aujourd'hui et de la culture pop qui n'existe pas dans ce pays. Et on expliquera pourquoi. Demain, on parlera des livres et des maisons d'édition. À demain. À demain. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Bonjour Jean-Marc De Croo. Bonjour. Vous êtes un spécialiste d'art contemporain chinois. Vous êtes le co-auteur d'un beau livre, China, The New Generation, aux éditions Skira, sur la nouvelle génération donc d'artistes chinois. Le livre est en anglais. Il nous présente les parcours et les œuvres d'une vingtaine d'artistes que vous avez repérés. Mais vous-même, Jean-Marc De Croo, votre relation à la Chine, c'est une vieille histoire, puisque ça fait longtemps que vous êtes établi en Chine, ou que vous avez vécu en Chine. Oui, tout à fait. Moi, j'étais basé à Hong Kong en 1993, donc ça fait 22 ans. Et en fait, j'avais même commencé à collectionner l'art chinois avant, dès les années début 1990. Et alors, l'idée de ce livre, c'est avec Jérôme Sens. Jérôme Sens, c'est le fondateur du Palais de Tokyo. Et il est commissaire de nombreuses expositions. Et il a été le directeur du musée UCCA, le musée Ulins, qui est un musée privé à Pékin, qui fait un peu office de référence en la matière, parce qu'ils ont une mésographie qui est très bien établie. Donc, il était pendant 4 ans le directeur de ce musée. Et maintenant, il passe sa vie entre Paris et Pékin. Il a monté un bureau à Pékin qui s'appelle Perfect Crossover, avec sa compagne Morgane Maurice, et il joue un rôle de conseil auprès des artistes, auprès des musées privés chinois, auprès des musées municipaux. Il essaye de monter des expositions et de faire des relations entre la Chine et l'Europe. Donc avec Jérôme, on a voulu parler de cette émergence des nouveaux artistes, en fait, qui sont assez peu connus en France et en Europe, pour une raison bien simple, c'est qu'ils sont captés dès le départ par les collectionneurs chinois. Donc la Chine, il y a 1,4 milliard d'habitants, il y a une tradition de collection, il y a des gros collectionneurs, et en fait, ils sont tous un peu à l'affût des nouveaux artistes, et ces artistes ne produisent pas beaucoup. Pour des raisons plus ou moins culturelles. Pour des raisons un peu investissement, en tout cas. Donc, on les accuse de spéculation. En tout cas, ils pensent que c'est un investissement de la même manière que de l'immobilier. Mais il y a également des clubs de collectionneurs qui sont vraiment très passionnés par ça. Mais alors, ils mettent le grappin sur les artistes assez rapidement. Donc, ces artistes sont très peu montrés à l'étranger parce que... Et en Chine, ils sont connus? En Chine, ils sont très connus, oui. Et notamment, il y a des musées privés qui les montrent. Il y a une expansion des musées privés qui est absolument considérable. Donc, il y a aujourd'hui, il y avait, je crois, 50 musées au moment de la révolution culturelle. Et aujourd'hui, il y a 4000 musées en Chine, dont à peu près le quart de musées privés. Et pour l'instant, la Chine monte le nombre d'usées d'à peu près 450 par an. Qu'est-ce qui différencie cette nouvelle génération d'artistes chinois contemporains de leur homologue du reste du monde? En fait, c'était un phénomène assez récent. D'abord la peinture à l'huile par rapport à la peinture traditionnelle qui est la peinture à l'encre. Mais ça, c'est arrivé à peu près dans les années 1930, l'avènement de la peinture à l'huile. Et ensuite, l'art contemporain, c'est né après la mort de Mao Tse-tung, à partir de la politique d'ouverture de Deng Xiaoping. On peut dater ça des années 78. C'est également la réouverture des académies d'art dans les écoles des beaux-arts. Et donc ces mouvements, les premiers mouvements, c'est le mouvement des stars avec 1978, ensuite le mouvement de 1985, qu'on appelle c'est un mouvement qui a émergé dans plusieurs villes chinoises, et ensuite post-89, c'est donc après les événements de Tiananmen, il y a eu vraiment une avant-garde qui s'est déclarée. Donc, et la première génération était en fait d'artistes contemporains, était très influencée par l'Occident, donc en fait il y avait un néo-pop art chinois. La raison pour laquelle ce pop art s'est développé, c'est qu'en fait, les phénomènes qui sous-tendent le pop art, qui sont la consommation de masse, sont développés en Chine dans les années 90. Donc aux États-Unis, elle se développe dans les années 60, ça donne le pop art américain. Et en Chine, le mouvement de consommation de masse se développe dans les années 90. Donc il y a des artistes pop qui sont développés. Alors maintenant, ce mouvement est terminé et les artistes sont beaucoup plus conceptuels et globaux. Mais en fait, ils parlent quand même de problèmes très spécifiquement chinois, et puis ils sont très liés à la culture traditionnelle chinoise, enfin nourris de cette culture traditionnelle. Par exemple, l'importance de l'encre, le travail de l'encre. Donc il y a beaucoup d'artistes qui travaillent sur de l'encre contemporaine, en faisant des grandes réalisations d'encre contemporaine, et également... la technologie, donc c'est des artistes qui utilisent beaucoup la technologie. Pour prendre un exemple de différenciation, il y a un artiste qui s'appelle Wang Yuyang, qui travaille avec une équipe de techniciens ordinateurs et puis des batteries d'ordinateurs. Et il a fait une sculpture de 4 mètres de diamètre, qui est faite avec 7000 diodes de basse consommation, et qu'il appelle la lune artificielle, Artificial Moon. En fait, c'est un peu pour refléter le monstre qu'est la Chine en consommateur d'énergie, et le fait qu'il va y avoir un gros problème d'énergie à l'avenir, et donc il traduit ça de manière un peu poétique. Alors, il y a d'autres influences que j'ai pu constater en lisant votre beau livre, édité chez Skira, par exemple, l'influence du manga japonais, l'influence du jeu vidéo, mais ça, vous l'avez déjà dit, Jean-Marc Decroix. Et puis, sur la vingtaine d'artistes que vous avez choisis pour représenter cette nouvelle génération, on ne trouve pas le seul qui est un peu connu en France, c'est-à-dire Ai Weiwei. Ah oui, la nouvelle génération, c'est des artistes qui ont moins de 40 ans. Donc en moyenne, ils ont autour de 30 ans. Donc Ai Weiwei est beaucoup plus âgé que ça. Ai Weiwei, il a plusieurs casquettes, puisqu'en fait, il est architecte principalement, il est le fils d'un grand poète et d'un grand critique d'art, il est lui-même membre d'un jury d'art, il avait lui-même une galerie, il était partenaire d'une galerie à Pékin qui s'appelait Asian Art and Warehouse. mais il est donc principalement architecte et sculpteur, et en fait... Et accessoirement opposant au régime de Pékin. Alors il est opposant au régime, et puis il a vécu 10 ans aux États-Unis, c'est un repatriate, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a quitté la Chine, qui a vécu 10 ans aux États-Unis, et qui est revenu en Chine assez récemment, et, enfin il y a 10 ou 15 ans, mais il a... appris à l'étranger comment intéresser les médias étrangers, et donc il utilise son rôle d'artiste comme activiste et notamment comme relais par rapport aux médias étrangers. Il a plus d'influence à l'étranger qu'en Chine même. Et puisqu'on parle d'idéologie, ces artistes contemporains que vous nous présentez dans ce livre, Jean-Marc Decroix, ils sont dans l'opposition du régime de Pékin, ou ils sont plus que jamais les figures emblématiques de ce régime qui est tout à la fois un régime de parti unique, mais qui a adopté une politique économique la plus capitaliste qui soit. Oui, alors c'est la deuxième génération d'artistes. En fait, ils sont apolitiques. Ils s'intéressent beaucoup plus au progrès et aux problèmes de la cité moderne. Et ils sont assez peu impliqués, malheureusement. Et donc dans le livre, c'est par ordre alphabétique. Donc, il y a le dernier artiste, c'est Zhao Zhao. C'est en fait un disciple de Ai Weiwei. Et il y a notamment une œuvre qui est interdite en Chine, qui est une sculpture effondrée d'un gardien de la cité interdite. Et en fait, c'est très discret la critique, mais sur son badge, il y a la date. Chaque jour, il y a un badge avec une date différente. C'est la date de l'arrestation d'Ai Weiwei. Donc cette œuvre-là, qui s'appelle Officer, donc c'est un costume, c'est une sculpture qui fait 8 mètres de haut, qui fait 40 tonnes en pierre, et qui est tombée et donc est en morceaux par terre. Et c'est une œuvre, oui, qui a été interdite quand elle a été exposée dans certains musées en Europe. Et je crois qu'elle a été confisquée à un moment. Il y a des problèmes avec la douane chinoise. Et donc, il y a un vrai marché de l'art contemporain dans la Chine d'aujourd'hui, Jean-Marc Decroix? Ah ben absolument. Donc, l'art contemporain chinois, au début, il était collectionné surtout par les étrangers. Donc, principalement les Européens, un petit peu les Américains. Après ça, il était collectionné par la Grande Chine et les Overseas Chinese, les Chinois d'outre-mer. Donc, c'était Taïwan, Hong Kong, Singapour. Et puis, depuis 10 ans, il est collectionné principalement par les Chinois de Chine, donc pour 80% en valeur pour les maisons de vente. Donc, la différence par rapport à l'Occident, c'est que les collectionneurs chinois achètent beaucoup en vente publique. Donc, on considère qu'à peu près, pour 2/3, ils achètent en vente publique, et pour 1/3, ils achètent en galerie. En Occident, c'est à peu près l'inverse. Et donc, il y a des grandes ventes à Hong Kong, à Pékin, à Shanghai. Mais les sinon, artistes vivent bien de leur art? Bah, pas tous, parce que donc, il y a énormément d'artistes. Donc, il y a 34 provinces en Chine avec autant d'académies des beaux-arts. Et en fait, il y a des centaines de milliers d'artistes. Donc, ce qu'on connaît, c'est le haut du tonneau. Et pas tous peuvent vivre. La plupart ont besoin d'un autre métier. Donc, ils sont professeurs à l'école des beaux-arts, ou alors ils ont un autre métier. Alors, le gouvernement, au début, était très, fermait les expositions, était très répressif par rapport aux artistes. Et ça a changé autour des années 2000, où en fait, ils ont essayé de récupérer le système en disant, finalement, l'art contemporain, ça a un impact assez peu vis-à-vis du grand public, contrairement au cinéma, par exemple, ou à la littérature. Et puis, par contre, à l'étranger, c'est un gros impact. Et donc, si on veut se donner une image libérale, il faut qu'on tolère ça. Et donc, il y a eu un petit peu une récupération du système. Mais de toute manière, la nouvelle génération, comme je l'ai dit, est un peu apolitique et préfère parler de problèmes, des perspectives de développement et par rapport au progrès, plus que par rapport aux problèmes politiques. China, The New Generation de Jean-Marc Decroix, notre invité, et Jérôme Sens. C'est édité chez Skira, c'est en anglais, en attendant la version française. C'est prévu? Oui, peut-être. Et puis également une version chinoise et une version turque. Les Turcs sont très intéressés à traduire ce livre en turc. Et vous parlez chinois, je suppose, Jean-Marc Decroix? Non, je parle japonais, j'ai vécu au Japon. Et chinois, il y a plusieurs langues. Donc à Hong Kong, on parle cantonais, et à Pékin, on parle mandarin ou pékinois, parce que les Chinois parlent beaucoup leur dialecte. Donc voilà. Vous avez décidé de parler japonais. Merci d'être passé ce matin. Merci à vous. C'était Un autre jour est possible, à retrouver sur franceculture.fr, votre réveil culturel. Et on se retrouve bien sûr demain, toujours en compagnie de notre tête chercheuse Renaud de Spence, pour parler de la Chine et des artistes chinois d'aujourd'hui. Merci, à demain.